As a leise po kairage, ar em alfrit temps vengut. Ar em alfrit temps vengut a quel gel, sel neus e la fagna, e lau selet estammut, cus et chantar nous afraine. E sun sec li rampes plais, che flus ni folen ui nais, ni russignols nui crida, che la e mai mereisida. Tanta e lu cor de seu but, perché u sui a tuts estragna, et sai que l'on a perdu mout plus tos que nous gazaïa. Et si au fail ap mous verais, d'aurenga me moc les glai, perché un mestau que sbaïda en persulats en partida. Donna met mout mal samoul que abric home plaideja, a plus haut de vavasur, et si lou fai, il fuleja. Car so dit somen velai, que ges pericur nous vai, e donna che n'est chausida, en tenc per en vilanida. Amic ai, de gran valur, che subretut segnureggia, e non accor triciadur ves me, che s'amur m'autreggia. Io dic, che m'amurs l'esciai, e sel che dis che nu fai, dies li dun malescarida, che es metten fort per gerida. Bels amics, de bon talent, sud a vous tous jours engage, courtesa et de bel semblant, sul, num demandes outrage. Tost en vere malassai, que vostra merce me trai, vous m'avez la fait plevida, que num demandes fallida. Adieu, cum an belles cartes, plus la seuta d'aurenga, et gloriet el caslar et le seigneur de pluenza, et tout quand vol moube l'ai, et l'arc sous fast la sai. Se lui perdiei, ca ma vida en serai tu jurs marida. Juglar, che avez corgai, ves darbuna purtats lai, macian su a plafenida, lei cui gioi et juvens guida.